some grains. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour la cinquième de Last on the Ground, les nouveaux enregistrements européens. Tout d'abord, nous sommes au mois de janvier 2019 et je voulais vous souhaiter une très bonne année culturelle. Et bien sûr, la santé avant tout. Voilà. Alors, une émission qui va être assez longue sur le thème de la loi martiale. Donc aujourd'hui, nous allons faire une émission consacrée au martial néoclassique et au martial industriel. Voilà. Alors, tout d'abord, il y a de nouvelles informations concernant Last on the Ground, les nouveaux enregistrements européens. Aujourd'hui, il y a un blog qui a été mis en fonction au mois de janvier. Alors, le blog, vous pouvez aller sur le www.lastunder.blogspot.com. Vous y retrouverez les informations, mais aussi l'hébergement des émissions en cours, ainsi que les anciennes. Vous aurez en fait différentes catégories concernant les émissions, les news, les infos, etc., etc., ainsi que sur les groupes, les productions, etc. Voilà. Autre information, et pas des moindres, puisque le compte Twitter a changé. Aujourd'hui, c'est @ner en majuscule musique alter. Vous pouvez le retrouver sur BeatShot. De toute façon, j'ai mis des liens sur chaque émission. Et si vous passez par le blog, vous aurez aussi le contact direct sur Twitter. Cela permet en fait de rentrer en contact directement si vous avez des questions, etc., etc. Je suis à votre écoute. Voilà. Et ben pour commencer, nous allons passer par In the Nursery, Anatomy of Poet. Excellent titre. Thy breath was shed upon my soul between the kisses and the wine. when I was desolate and sick of an old passion. Yea, I was desolate and bowed my head. I have been faithful to the sinner in my fashion. Nursery Anatomy of Poet, d'ailleurs tiré de l'album Anatomy of Poet. Et juste après, il y avait en fait un duo de groupes. Il s'agissait de Legionary et Waffenruhe avec un titre On Vorderstyle Front. Alors pour Waffenruhe, c'est en fait Legionary, on en avait parlé lors d'une récente émission, et Waffenruhe est en fait était un projet martial industriel néoclassique formé par Soldat D en 2007. En fait, les thèmes de Waffenruhe portaient sur les guerres mondiales, la lutte contre le monde moderne et des thèmes mélancoliques. Et le créateur de Waffenruhe a mis fin à ses jours le 6 septembre 2017. Donc voilà, le projet donc s'est éteint avec son créateur. D'ailleurs, on reviendra sur Waffenruhe tout au long de l'émission. Voilà, on va continuer tout de suite avec la dernière attaque, et ensuite on parlera de ce projet. Thank you. voilà pour le groupe La Dernière Attaque. Alors, La Dernière Attaque, c'est un projet qui nous vient de Mexico. Et oui, comme quoi on peut aller loin. Ce projet en fait est né en 2011. Il faut savoir que une petite anecdote, c'est qu'ils ont sorti le premier morceau le jour de Noël de 2011. À la base, c'est un projet personnel complètement inspiré par les idéaux romantiques du 19e siècle, entre l'amour, la guerre et les campagnes militaires, ainsi que toutes les caractéristiques des sens d'un esprit déformé qui veut vivre sur un autre siècle. Voilà pour les pensées du groupe La Dernière Attaque, qui au demeurant d'ailleurs a produit plusieurs albums, en particulier toujours axés dans l'imagerie prussienne. Voilà pour la petite encore anecdote pour le groupe La Dernière Attaque. On va continuer toujours avec Wapemund, que l'on avait passé il y a maintenant au moins deux émissions. Toujours ce groupe allemand excellent avec ses ambiances véritablement profondes. Thank you. also when thou art gone. But thee I shall not celebrate when I remember thou wast one. But yet thou canst not die, I know. To leave this world behind is death. But when thou from this world wilt go, the whole world vapors with thy breath. Or if when thou the world's soul goes, it stays. 'Tis but thy carcass then, the fairest woman but thy ghost, but corrupt worms the worthiest men. Shall burn this world. Had none the wit unto this knowledge to aspire that this her fever might be it. For much corruption needful is to fuel such a fever long. Rather own the bee of the one hour than all else ever. Voilà pour le titre qui vient de passer, c'était In the Nursery avec Corruption. Et juste avant, je n'avais pas cité le titre de Weapon Boon, c'était Kailum. Voilà pour la petite information. Autre info concernant justement les émissions. Musicale, ça devient participatif. Je m'explique. À partir du blog et du compte Twitter, vous pouvez donc prendre contact directement et proposer des playlists, des groupes musicaux, des artistes, etc. Mais vous pouvez aussi participer à l'émission. L'accès est permis à des auditeurs, donc vous pouvez directement participer à l'émission Last on the Ground, les nouveaux enregistrements européens, pour proposer aussi vos goûts musicaux, toujours bien sûr dans l'esprit et l'esprit et les genres qui passent dans les émissions. Voilà, pour l'information, on repasse bien sûr là sur Waffenru avec Démagogie 3 tiré de l'album Démagogie. Thank you. Voilà pour le titre de Waffenruh Démagogie 3. Pour faire un tour des tendances, parce que les émissions vont évoluer au travers en fait des explications de l'historique des tendances que l'on passe dans les émissions Last on the Ground, les nouveaux enregistrements européens. Alors pour commencer un peu ce petit historique, il faut savoir que le martial néoclassique est en fait une branche de la musique industrielle. Au départ, la musique industrielle est née dans les années fin 1970, début année 1980, où elle a eu son apogée. Et sont arrivés des groupes avec des rythmes martiaux. Déjà le groupe phare de la musique industrielle, Turbine Crystal, avait déjà commencé en fait un travail sur les rythmes martiaux. Ensuite des groupes se sont greffés à ce genre et ont inclus des périodes, et on retrouve en fait dans le martial néoclassique et le martial industriel en fait des ambiances liées aux époques de guerre, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi les anciennes époques, comme on a vu par exemple avec le groupe Triari, qui reprend tout simplement l'époque romaine. Et donc cette inspiration est ensuite passée par divers courants et s'est transformée dans une approche plus ou moins idéologique, des fois parsemée d'ambiguïté vis-à-vis des images que certains groupes ou artistes donnent. Et donc voilà comment en fait a évolué cette tendance. Juste voilà à titre d'information. Et actuellement le martial néoclassical n'est pas obligé aujourd'hui en fait une tendance première des musiques underground, tout simplement qu'elle a eu sa grande période dans les années 2000, en particulier début 2000, le martial néoclassique et le martial industriel avaient véritablement eu un gros effet lors de ces années. Ensuite est retombé un peu dans l'oubli, et aujourd'hui là actuellement il y a très peu de productions qui s'inspirent de l'industriel, martial et néoclassique. De moins en moins. Disons que on pourra dire que la tendance a quand même été utilisée maintes et maintes fois, et les courants utilisaient les mêmes thèmes, ce qui a en fait provoqué une sorte d'usure quelque part dans les productions, et d'autres se sont en fait reconvertis dans d'autres styles. Néanmoins, le style, de toute façon, le genre est totalement ancré dans l'évolution de la musique industrielle à la base. Donc voilà pour le petit côté historique. On va passer tout de suite à une autre formation, du moins un autre personnage, c'est Oswald avec le dernier assaut, et ensuite on en parle. Voilà pour le groupe Oswald, ou du moins le groupe ou l'entité Oswald. Alors, il faut savoir que Oswald c'est français. Alors, c'est dirigé par Sven Mann, mais c'est français. Alors, en fait, le projet, c'est une seule personne. Il faut savoir qu'en fait, Oswald fait allusion en fait aux travaux qu'il y a sur des groupes comme March of Heroes, on avait passé, ou Lear. Alors Lear, on en passera justement tout à l'heure. Et en fait, le réalisateur, le créateur de cette entité, prennent en fait l'aspect assez puissant et la rudesse de March of Heroes. Voilà, et l'atmosphère de Lear. En fait, les deux, en fait, ils combinent les deux. Et faut savoir que la musique de Oswald, et donc de Lear, a été composée par la même personne. Voilà pour donc cette production française. On va passer tout de suite avec la dernière attaque, et donc avec le titre Like Blank Ocean. Voilà, voilà, pour juste après le titre de la dernière attaque, Like Blank Ocean, ce fut Waffenruh avec Elige Reich. Donc c'était une version instrumentale. Voilà, pour continuer l'histoire un peu du martial industriel et martial néoclassique, il faut savoir que l'aspect militaire, l'aspect marche a été extrêmement popularisé par le groupe Laibar, le groupe slovène. Alors, on a déjà parlé de Laibar, on en a déjà passé pas mal. Et en fait, Laibar a popularisé, suite à un certain succès en Europe, cet aspect très martial, donc très militaire. Et donc à partir de là, beaucoup de groupes de production se sont greffés sur le genre, le style et même l'imagerie du groupe Laibar. Voilà pour l'aspect en fait culturel de cette tendance, du moins de ces tendances. Voilà, on va continuer avec l'effet C'est moi, le groupe italien, avec Les dieux écoutent l'homme. C'est moi avec le titre Les dieux écoutent l'homme, un très bon titre d'ailleurs. Alors on va passer tout de suite à un autre groupe, c'est le groupe Puissance. Alors le groupe Puissance, c'est un groupe de musique néoclassique et martiale suédois, formé il y a maintenant quelques temps, 1993, et composé des membres comme Henri Möller, qui joue également dans le groupe Hardity. Alors on avait passé du Hardity, on en repassera peut-être pas à cette émission, mais le groupe Hardity, on en avait passé lors surtout de la première émission, qui est en fait très martial industriel, donc composé d'Henri Möller et de Frédéric Sonderlund. Alors le groupe Puissance, ils ont une approche esthétique, enfin une certaine approche esthétique, et ils ont été souvent associés au black metal. Et pourtant, ils n'utilisent pas de guitare, etc. Mais plutôt des instruments électroniques. Et leur musique se traduit par une approche militante entre la musique industrielle et le néoclassique. Voilà. Donc leur thème de prédilection se rapproche de l'holocauste nucléaire et la misanthropie, qui sont des thèmes en fait couramment exploités. Les paroles sont chantées en anglais, bien qu'ils aient composé certaines chansons en suédois au début de leur carrière. Voilà donc pour le groupe Puissance. Alors donc, on va se lancer Puissance avec un instrumental, Loreto. Thank you. Voilà donc pour le dernier titre, ce fut Triari avec Regicide Li. Après donc bien sûr Puissance et son titre instrumental Loreto. Voilà. Donc pour information et l'avis de l'émission Last Underground, deux autres émissions sans préparation. Il s'agit après la loi martiale, donc celle-ci, d'une deuxième émission, Si j'avais un marteau. En fait, cette playlist sera consacrée aux musiques industrielles et néo-bruitistes. Alors attention les oreilles, parce que la prochaine émission risque de faire beaucoup de bruit et donc il faudra s'y préparer. Voilà. Et donc la troisième émission en préparation sera EBM, Electro Body Music. Donc une émission qui sera consacrée plus à l'électro et des tendances qui ont lieu dans les années 2000 avec des groupes comme Front 242, peut-être que vous connaissez. Voilà, donc on reviendra bien sûr sur cette annonce concernant ces deux prochaines émissions. Voilà pour l'information. On va continuer avec Wafenru et ce petit hommage à son créateur avec Krieg Snatch. Thank you. pour Regard Extrême, le dernier titre, donc très intéressant, avec Résurgence. Alors, Regard Extrême, on n'en a pas parlé, et c'est le moment, bah justement. Regard Extrême est en fait un projet fondé par Fabien Nico. Donc c'est un projet qui date, mais qui est toujours actuel. Il faut savoir que ça date des années 90, et ça a été influencé par la scène underground, underground des années 80, de la musique ancienne et classique à la fois. En fait, Regard Extrême présente un son plutôt orchestral, sombre, avec une qualité martiale. Il faut savoir que Regard Extrême a quand même été produit par des gens extrêmement intéressants, puisqu'on retrouve des distributions comme World Serpent. Alors, faut savoir que World Serpent, c'est l'ancien NER, New European Recording, de Douglas Pierce. Douglas Pierce, donc, chantre et entité du groupe Dessin June, dont on a parlé encore tout récemment. Voilà. En particulier, Regard Extrême a collaboré avec les Joyeux de la Princesse. Donc un groupe qui a marqué son époque, et en fait Regard Extrême s'inspire sur des martèlements, s'inspire musicalement sur les martèlements insistants et la résurgence d'une grandeur passée entre les univers décadents de par l'esthétique et l'idéalisme. En fait, le cœur de Regard Extrême oscille entre fragrance antique et opalescence symboliste, et les ruines ensemencées par la nostalgie. Voilà en fait tout ce qui tourne autour de Regard Extrême. Alors c'est extrêmement bien pensé, c'est très intellectuel, à la fois dans son fondement et dans son ambiance. Voilà. Pour Regard Extrême, et ben on va passer tout de suite avec l'effet C'est moi, avec un titre Tom Plum Victoriae. We'll be right back. Voilà pour le titre de Triari, juste après l'effet c'est moi. C'était Sound on Rain. Voilà pour le titre du groupe italien Triari. On va passer tout de suite à l'avant-dernier titre de cette émission, l'avant-dernière production. Il s'agit de Fasci di Combattimento. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, vu que le titre, enfin le nom du groupe est italien, et ben pas du tout. Le groupe a été fondé en Bulgarie par Borislav Vakhinov, dans un style martial industriel avec des éléments ambiants et industriels sombres. C'est un mélange complexe entre des sons et des idées. Les processus de création peuvent inclure des synthétiseurs, des guitares, des enregistrements sur le terrain, des boucles de batterie ou des machines et des sources non traditionnelles ou autres. Voilà, bon, pour les productions de ce groupe. Alors, le nom en fait s'inspire du FIC, le Fasci italien du combat, jusqu'en 1919. En fait, c'était un mouvement qui avait été créé par Benito Mussolini. Voilà pour l'information de ce groupe Fasci di Combattimento. On va se mettre le titre tout de suite, révision, réaction et réforme. Voilà pour le groupe Fasci di Combattimento pour cet avant-dernier titre. Voilà, révision, réaction, réforme. Tout un programme. Donc, on va terminer cette émission avec le groupe In the Nursery. Nous avions commencé avec In the Nursery, donc la formation des frères Timberstone avec Angel Chrome. Alors, juste un petit rappel, si vous voulez me contacter directement l'émission, vous pouvez passer par Twitter avec NERMusicAlter. Alors c'est @NER en majuscule, M en majuscule et le reste en minuscule. Voilà, vous pouvez donc retrouver directement les informations sur Twitter. Sinon, vous pouvez passer par le blog que vous pouvez retrouver en lien soit sur BeatShot, donc le diffuseur de l'émission, ou sur Twitter. Donc voilà pour les dernières informations. J'espère que cette émission vous a plu. Bien sûr, il y en a deux autres qui suivent, comme je vous l'ai rappelé, avec Si j'avais un marteau, donc l'émission spécialisée plutôt dans la musique industrielle et le néo-brutisme. Et la troisième émission sera l'EBM, consacré à l'électro body music. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous laisse avec In the Nursery et Angel Chrome.